Théâtre et Université devait présenter ce soir Bajazet de Jean Racine. Par suite de la grève des théâtres nationaux, les représentations de Bajazet ont dû être annulées. En remplacement du programme prévu, Théâtre et Université vous propose, en seconde diffusion, Horace, tragédie de Pierre Corneille, joué par les comédiens français. La radiodiffusion française présente, sous le haut patronage de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, le théâtre et l'université, une émission de Philippe de Chartres. Vous entendrez aujourd'hui dans un découpage radiophonique Horace, tragédie de Pierre Corneille, joué par les comédiens français, avec la distribution suivante. Jean Marchat, le vieil Horace, chevalier romain. André Falcon, Curias, gentilhomme d'Albe, amant de Camille. Paul-Émile Débert, Horace, fils du vieil Horace. Raoul Henri, Tulle, roi de Rome. Louis Aymon, Procule, soldat de l'armée de Rome. Paul Gers, Valère, chevalier romain, amoureux de Camille. Michel Beaune, Flavian, soldat de l'armée d'Albe. Denise Noël, Sabine, femme d'Horace et sœur de Curias. Thérèse Marnet, Camille, amante de Curias et sœur d'Horace. Geneviève Martinet, dame romaine, confidente de Sabine et de Camille. Mise en scène de Jean de Bucourt. La tribune libre de théâtre et université réunira autour de Philippe de Chartres, Odette Brunschvic, inspectrice générale de l'instruction publique, Jean Yonel, sociétaire de la Comédie française, Paul-Louis Mignon, critique dramatique de la radiodiffusion télévision française, Marcel Giraudet. Veuillez écouter tout d'abord un avant-propos de Marcel Giraudet. Un critique disait jadis que l'on ne devra jamais désespérer du patriotisme tant qu'Horace sera joué sur la scène. Mais on ne joue que très rarement Horace. Est-ce à dire que le patriotisme cède le pas aux compromis de toutes sortes, ou bien que les spectateurs ne retrouvent pas dans le Grand Normand les échos de leurs préoccupations habituelles. Comme dans tous les cas où les idées et les hommes se heurtent violemment, où l'esprit est censé rester vainqueur d'un combat mettant aux prises la vertu et le bonheur, la justice et le bien, les générations successives n'ont pas les mêmes raisons d'admirer les grands hommes. Horace, qu'on le veuille ou non, que l'on déteste la brutalité ou que l'on plaigne l'amour malheureux, que l'on comprenne l'assassinat légal ou que l'on préfère les simples et les faibles, Horace restera pour le français cultivé la tragédie du dévouement à la patrie charnelle, la tragédie de la force au service du droit inscrit sur des tables d'airain. Le jour où le jeune Horace a été absous de son crime, des siècles d'ordre moral s'ensuivirent et une éthique d'État se trouva fondée. Le public est toujours sensible à la grandeur emphatique de ces éternels problèmes. Souvent, il préfère Camille à son frère, et c'est encore pour lui admirer Corneille. La Comédie française nous offre Horace dans son décor aujourd'hui traditionnel. Les collines du Latium ferment l'horizon. Quelques marches à droite mènent vers la maison des Horace. À gauche, un monument de lourdes pierres bouche la perspective. Une lumière d'été emplit la scène. Rome et Albe sont en guerre. Sabine, femme d'Horace, confie à Julie sa douleur et ses craintes. Approuvez ma faiblesse et souffrez ma douleur. Elle n'est que trop juste en un si grand malheur. Si près de voir sur soi fondre de tels orages, l'ébranlement sied bien au plus ferme courage. Et l'esprit le plus mal et le moins abattu ne saurait sans désordre exercer sa vertu. Quoique le mien s'étonne à ces rudes alarmes, le trouble de mon cœur ne peut rien sur mes larmes. Et parmi les soupirs qu'il pousse vers les cieux, ma constance du moins règne encore sur mes yeux.

Horace est une pièce passionnée et qui déchaîne les réactions les plus opposées parmi les lecteurs et les spectateurs. Des réactions qui sont passionnées elles aussi. Jean Yonel, que pensez-vous d'Horace ? Oh, moi, j'admire Corneille comme une brute, comme disait l'autre. Horace me semble une pièce parfaite. Elle me rappelle la maison carrée de Nîmes, qui m'a donné également cette impression de perfection dans la construction. Ainsi que tous les chefs-d'œuvre, selon les époques auxquelles on les représente, selon le moment, selon même l'actualité, ces œuvres changent de couleur, changent d'aspect, provoquent des émotions et des réactions différentes de celles qui se sont produites 30 ou 50 ou 25 ans auparavant. Ainsi, Horace, par exemple, lorsque j'étais très jeune et que j'assistais à une représentation d'Horace à la Comédie-Française, étant moi au conservatoire, lorsque le jeune Horace disait « Mourir pour son pays est un si digne sort qu'on briguerait en foule une si belle mort », toute la salle applaudissait. Après la guerre 14, à partir du moment où j'ai été au Théâtre français, eh bien, j'ai constaté qu'on n'applaudissait plus du tout ces deux vers-là et que très souvent, au contraire, c'était Curias, c'est-à-dire le personnage qui paraît plus humain, qui recueillait les approbations du public. Paul-Louis Mignon. Je dirais, au contraire de Jean Yonel, que j'admire évidemment Horace, mais ce qui me gêne dans Horace, c'est peut-être son côté maison carrée. Je veux dire par là que ce qu'il y a de romain dans la représentation d'Horace, c'est peut-être plus la représentation, la mise en scène, la décoration, et qui me gêne, solennise à mon avis un peu trop la tragédie de Corneille. Je crois que pour les Français, tout ce qui vient de l'ancienne Rome est accompagné de leçons de morale, a un caractère plastique dans la statuaire, dans la sculpture, qui solennise, qui refroidit les passions. C'est peut-être un point de vue très personnel, alors que je pense que pour moi, Horace, c'est la tragédie de jeunes hommes vers les années 1640, alors que Richelieu, auprès du roi Louis XIII, essayait de faire la France et d'imposer l'unité de la France. Corneille, qui n'avait pas été tout de suite d'accord avec cette France royale, lorsqu'il donnait le Cid, et c'est pourquoi Richelieu lui en a tant voulu, Corneille s'est décidé en 1640, je ne sais si c'est par conformisme politique ou si c'est sincèrement, à écrire cette tragédie de la France unie autour de son roi. Mais c'était un temps de passion romanesque. Il y avait un romanesque, une sensibilité dans ces exercices de hauts sentiments, de hautes passions civiques, qui certainement touchaient directement le spectateur français de 1640, et qui, à mon avis, me toucherait davantage, spectateur de 1957, si l'on se rapprochait, par le ton de la représentation et de l'interprétation, de cet Horace, et non pas de celui idéalisé dans la Rome ancienne. Jean Yonel. Je crois que je me suis mal exprimé. En comparant Horace à la maison carrée de Nîmes, je n'ai pas voulu du tout évoquer Rome. Ce n'est pas à ce point de vue-là que je comparais l'œuvre de Corneille à cette œuvre architecturale. Non, c'est par la construction parfaite de l'œuvre de Corneille. Hein ? Marcel Giraudet. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. D'abord parce qu'il me semble que la construction même de la pièce de Corneille n'est pas aussi régulière ni aussi parfaite qu'on le dit. Et ça, c'est sur le plan dramaturgique d'abord. D'autre part, sur le plan de la construction fondamentale. Il me semble, moi, que Corneille fait appel à des dons beaucoup plus oratoires qu'il n'est admissible pour le spectateur ou pour la sensibilité actuelle. Le nombre de discours, le nombre de récits me semble alourdir la pièce d'abord et gêner un petit peu la réaction sensible des jeunes gens. D'autre part, cela vient sans doute de la formation jésuite de Corneille. Enfin, je crois discerner dans Horace un certain déséquilibre. Un certain déséquilibre qui me semble, moi, historiquement et littérairement, être celui qui a marqué constamment dans sa carrière Corneille. Corneille n'est pas un auteur uni. Il tient cela sans doute d'une époque littéraire où la fougue et le panache le disputaient, comme disait Mignon tout à l'heure, à ce besoin d'équilibre français, mais je ne suis pas sûr du tout que ça soit très plaisant maintenant, malgré le déséquilibre de l'époque actuelle. Je vais apporter un témoignage récent, qui va contre ce que disait à l'instant Marcel Giraudet, c'est qu'une très jeune fille, une jeune étudiante, m'a déclaré sa passion pour le jeune Horace. Quel âge avait-elle ? C'est une jeune fille qui devait avoir 18 ans, et qui admirait Horace, le jeune Horace, franchement, par rapport à Curias, qui ne l'intéressait pas du tout, parce que Horace, pour elle, était un homme qui avait du caractère. C'était un homme qui avait dominé sa sensibilité pour affirmer sa passion civique. Odette Brunswick. Eh bien, j'admire ces œuvres dont on peut toujours discuter, et dont on discutera bien longtemps encore, je crois, que c'est le propre des œuvres véritablement classiques qui méritent de l'être. Je pense que la jeunesse actuelle peut s'enthousiasmer pour Horace, malgré la gêne qu'elle rencontre et que j'éprouve, comme vous, qui tient, je pense, à la fois à la construction, à la mise en scène, et là, je suis d'accord avec Monsieur Paul-Louis Mignon, qui tient probablement, à mon avis, surtout à la langue, qui a beaucoup vieilli, au moins dans les passages les moins beaux, car les passages sublimes sont toujours très proches de nous. Mais voyez-vous, je trouve qu'Horace est toujours d'une extraordinaire actualité. Si l'on considère le tragique de la pièce, si l'on considère que cette tragédie est celle de l'homme, de l'individu, de l'être, de l'homme ou de la femme, de l'être particulier, de l'individu, en conflit avec le groupe, avec quelque chose qui va même plus haut et plus loin que la communauté, la famille ou la patrie, avec un idéal qui exige de lui le sacrifice total de son amour et de sa vie. Et le sacrifice de son amour est certes plus dur que celui de sa vie. Ce sacrifice, le vieil Horace et le fils qui est entièrement digne de lui, le fils qu'il a formé, le fils qui lui ressemble, Horace, est accepté avec exaltation par eux. Curias s'y résigne avec douleur, Camille le refuse avec passion. Voilà ce qui, pour moi, fait le tragique durable, le tragique actuel d'Horace. Qui est Horace ? Eh bien, je voudrais évoquer ici un livre fort intéressant que je viens de relire grâce à cette émission, celui de M. Erland, Horace ou la naissance de l'homme. C'est un vibrant plaidoyer en faveur du jeune Horace, qui se double d'une critique que, pour ma part, je trouve beaucoup trop sévère contre Curias. Mais Horace est pour M. Erland le véritable héros, c'est-à-dire l'être jeune qui s'exalte pour ce qu'il dépasse, qui se dépasse effectivement grâce au sacrifice et qui laisse bien loin derrière lui ceux-là même qu'il chérit le plus et qui ne sont pas capables de ce sacrifice, qui ne sont même pas capables de le comprendre, et c'est pourquoi la tragédie d'Horace lui paraît surtout belle dans le cinquième acte, où Horace est raidi, durci, dans une solitude terrible, celle de l'accusé devant ses juges, et même devant ses avocats, qui l'aiment, qui veulent le sauver, mais qui ne le comprennent pas. Marcel Giraudet. C'est donner peut-être un caractère de sacré à Horace. Et c'est ce qui peut-être le déshumanise. Il est certain que cette attitude un peu au-delà des hommes existe dans Horace. Mais c'est ce qui peut-être gêne certains spectateurs sensibles à la représentation, et ce qui les attire davantage vers Camille et davantage vers Curias, qui, eux, ne sont pas entraînés ou poussés vers quelque chose qui les dépasse. Horace ne touche pas le cœur. Paul-Louis Mignon. Je dois dire que je suis un peu réservé sur l'interprétation que donne M. Erland. Je n'ai pas lu son livre, mais telle qu'elle m'apparaît à travers les paroles très remarquables de Mme Brunschvicg, je suis un peu réservé parce que si je suis d'accord avec la philosophie qui s'en dégage lorsqu'il s'agit de la situation particulière d'Horace, du jeune Horace, par rapport à sa patrie, si on l'actualise aujourd'hui et si l'on pense à tous les idéaux, on peut penser aussi aux idéologies, au dépassement de l'homme pour certaines idéologies, et ça peut me paraître au départ bien dangereux par les conséquences que ça peut avoir dans certains cas. Et oui, mais alors c'est toute la tragédie que vous reniez, n'est-ce pas ? Édipe se trouve également dans une situation absolument exceptionnelle. Polyeucte, pour ne pas sortir des œuvres de Corneille, Polyeucte est également au-dessus de l'humanité à certains points de vue. Lorsqu'il abandonne une femme qu'il aime, car il l'aime, n'est-ce pas ? Et pour s'élever vers l'idéal chrétien, vers Dieu, toutes les tragédies en sont là, celles qui sont dignes, enfin, de ce véritable titre de tragédie, à mon avis. Marcel Giraudet. Je crois que nous sommes dans l'abstraction, et que dans l'abstraction, tout est vrai, et le système tragique est excellemment défini, mais dans le fait même, je crois qu'Horace pose le problème de la guerre et des cruautés de la guerre. C'est bien ainsi que je le comprends et que je l'admire et même que je l'aime, parce que Horace est la tragédie des femmes. Cette tragédie d'homme est en réalité la tragédie de la femme devant la guerre. Et c'est l'éternel appel, je cite ici une autre étude excellente sur Corneille, celle de M. Nadal, l'amour dans les tragédies de Corneille, le sentiment de l'amour. Pour lui, Camille, c'est la femme qui en appelle éternellement contre l'histoire, contre la guerre. Je crois que Camille, en effet, est l'inoubliable image, l'interprète incomparable du désespoir de la femme à qui la guerre, qu'elle ne comprend pas, qu'elle ne peut pas comprendre, qu'elle ne peut pas approuver, qu'elle ne peut que haïr, arrache ce qu'elle aime le plus au monde. Lionel. Mais vous savez, hélas, je me souviens avoir été jeune pendant la guerre 14, y avoir participé, être venu quelquefois en permission et avoir entendu des échos extrêmement différents du sentiment de certaines femmes. Des mères, par exemple, qui avaient deux ou trois fils à la guerre et dont j'ai entendu l'une d'entre elles dire... Eh bien, j'aurais été navré qu'un seul de mes fils ne fût pas appelé à servir la France. J'ai entendu également des expressions très différentes, n'est-ce pas, et opposées à ce sentiment-là. Je pense que vous avez parlé des mères, oui. Et que l'attitude d'une mère est différente de celle d'une fille très jeune, comme les Camille. Camille représente pour moi quelque chose d'éternellement vrai. Oui. S'il y a des femmes qui peuvent s'élever jusqu'à l'héroïsme et jusqu'au sacrifice qu'exige la patrie, qu'exige un idéal, il est tout de même très naturel à une femme de vouloir sauver à tout prix son amour. Il y a quand même, pour le spectateur qui se laisse prendre par l'exaltation d'Horace, il y a... quand même un point d'interrogation, n'est-ce pas ? Et si on cherche à l'analyser, on s'aperçoit peut-être que, bien sûr, la volonté de dépassement, avec même tous les déchirements qu'elle entraîne, est une recherche de l'homme, et de l'homme qui veut vivre, qui veut s'élever, mais encore faut-il savoir quelle valeur on veut dépasser, n'est-ce pas ? Un passé extrêmement récent que rappelait Mignon, nous apprend qu'on peut vouloir cette volonté de dépassement pour les bonnes ou pour les mauvaises causes. Le tout, le problème, est celui du choix. Et voyez-vous, dans tout ce qu'il y a de brutal dans Horace, eh bien, je le suivrai, moi, à la guerre. Par tempérament, je serai Horace et non pas Curias. Mais il arrive un moment où je ne peux plus admettre la position d'Horace, où il m'apparaît non plus comme un combattant, mais comme un nazi, effectivement. Au moment où je m'aperçois peut-être même, et c'est ça qui est grave, que les raisons pour lesquelles il s'est engagé sont de mauvaises raisons, c'est qu'il tue Camille. Je suis Horace jusqu'au meurtre de Camille. Le meurtre de Camille est injustifiable, n'est-ce pas? Et alors, cette ambiguïté sur le plan du drame que je vis avec les personnages qui sont sur la scène, eh bien, cette ambiguïté apparaît aussi dans la construction. Il y a au fond deux actions, et c'est peut-être ce qui crée, dans un certain sens, un malaise, c'est peut-être aussi ce qui crée l'intérêt, la diversité de la pièce. Marcel Giraudet. Moi, je crois que Horace est beaucoup plus uni, Horace personnage est beaucoup plus uni et simple que cela. C'est sa gloire qu'il recherche, il le dit. Ce n'est pas la gloire de Rome, c'est sa gloire. Et lorsqu'on l'accuse d'avoir tué sa sœur, il revient à l'idée de sa gloire. Or, c'est un goût du panache qui est absolument en dehors de l'histoire, un goût du panache ou un goût de l'honneur, mais je suis assez près de croire que l'honneur et le panache ont des liens extrêmement précis, extrêmement simples. D'autre part, pour revenir à Camille, je pense que Camille a peut-être un idéal qui, sur le plan social, est aussi valable que celui d'Horace. Cet idéal, c'est son amour. On sait fort bien que Corneille met l'amour en dessous du reste, mais sur le plan social et sur le plan humain, Curias est son but, Curias est sa patrie, Curias est son honneur, et pourquoi l'accuser de quoi que ce soit? Elle meurt pour sa patrie, elle meurt pour son honneur, elle meurt pour son amour. Jean-Yonel. Mais, écoutez, ne pensez-vous pas que la gloire pour laquelle vous dites que Horace s'est surtout battu aille de pair avec l'amour de la patrie, et que l'amour dans une patrie piétinée, je me place, n'est-ce pas, volontairement sur ce plan-là, l'amour dans une patrie piétinée, conquise, dominée, nous avons eu des exemples récents à quel point il est difficile et souvent même impossible. Vous ne pensez pas? Ce n'est pas le cas d'Horace. Odette Brunswick. Il s'agit bien d'être libre ou de mourir. Rappelez-vous que la victoire d'Horace assure la liberté de Rome. Je suis entièrement d'accord avec vous pour dire que Camille mérite autant notre sympathie qu'Horace. Mais Camille est une femme et Horace est un homme, je m'excuse de le rappeler, mais parce que je mets beaucoup de choses dans ces deux épithètes, c'est parce que justement il y a toute la profondeur infinie, n'est-ce pas, de l'humanité et de la féminité dans ces deux personnages. Quant à cette dualité qui vous gêne, Monsieur Deschartres, je pense qu'au contraire, le meurtre de Camille accuse l'unité et du personnage d'Horace et de la tragédie. Le meurtre de Camille, c'est un épisode, c'est le dernier épisode le plus atroce de la guerre. C'est encore la guerre. Et je crois qu'Horace a été beaucoup plus héroïque et beaucoup plus dur en tuant Curias, qu'il aimait. N'oubliez pas que Curias était son ami. Son cher ami, Monsieur Erlin insiste beaucoup là-dessus, je crois qu'il a raison. Et une fois qu'Horace a tué Curias, il n'est plus le même homme, il a tué, et il faudra, coûte que coûte, que la patrie, la liberté pour laquelle il a fait ce sacrifice inouï, survive. Vous comprenez? Et si Camille se met en travers, Camille mourra Et il est au fond presque plus facile, si paradoxal que ça en ait l'air, à Horace de tuer Camille que ça ne lui a été de tuer Curias. Oui, mais voyez, cette dualité ne me gêne pas en réalité sur le plan de la construction dramatique. Elle me gêne parce que j'ai peur de trop comprendre. Je ne crois pas que le meurtre de Camille soit la continuation de la guerre. Je crois que c'est la fatalité de la guerre. Et c'est cela, en effet, qui m'effraie. Mais j'ai peur de vraiment comprendre le caractère d'Horace. J'ai peur de comprendre que Horace est un homme qui, finalement, se complaît dans la reconnaissance qu'il a de sa gloire et de sa force. Et pour moi, c'est à ce moment-là le personnage dont je me sépare. Je veux bien combattre, mais je veux être lucide. Et je veux pouvoir arrêter mon geste à partir du moment où il ne sert plus la cause, mais la cause profonde et non pas superficielle, la cause pour laquelle je me suis engagé. C'est si vrai qu'il se considère à partir du meurtre de Camille comme un outil. Et il préfère se suicider plutôt que d'être jugé. Il le dit, je vais me donner la mort, mais je ne veux pas qu'on me juge. Et alors, c'est quand même un phénomène de l'orgueil. Paul-Louis Mignon. Mais je crois que c'est ce qu'il y a très remarquable, d'ailleurs, dans la construction que Corneille lui-même a discutée lorsqu'il est revenu sur cette tragédie quelques 20 ans après, c'est d'avoir en somme mis en cause le héros, mis en cause l'héroïsme, en le poussant à une action qui paraissait justement sortir de la ligne de son personnage, car normalement on pouvait très bien envisager une tragédie qui s'arrêterait sur le triomphe d'Horace. Mais Corneille met son héros dans un mauvais pas pour aboutir à ce cinquième acte qui justement situe cette fois l'ensemble du problème sur le plan de la cité, l'individu étant envisagé par rapport au roi, par rapport à la nation. Et il y a un jugement général qui intervient, où tous les aspects de la question sont envisagés. Que pensez-vous, Jean-Yonel, de ce cinquième acte tant discuté ? Oh, moi je le trouve admirable. Il y a, d'abord, c'est là que le vieil Horace, enfin le père, se montre entièrement. Il montre qu'une fois la guerre terminée, une fois que ses fils ont fait leur devoir, et leur devoir total, eh bien, il le reproche un peu, mais dans des vers vraiment remarquables, à son fils, d'avoir été jusqu'au meurtre de Camille. Hein. Mais là, il défend son fils devant le roi parce que son fils a, comme l'a dit tout à l'heure Madame Brunschvicg, a libéré la patrie de la menace sous laquelle elle se trouvait par rapport à Albe. C'est lui qui à assurer l'indépendance. Je me permets de dire également que ce qui m'étonne un peu, vous qui êtes tous beaucoup plus jeunes que moi, vous ne vous souveniez pas que un jeune homme de 19 ans, à peu près, que peut avoir le jeune Horace, n'est-ce pas, qui est bien né, je parle moralement, n'est-ce pas, ne puisse pas éprouver en même temps que la satisfaction d'avoir accompli son devoir vis-à-vis de son pays, une espèce d'ivresse, comme on éprouve l'ivresse de la vitesse, comme on éprouve celle d'avoir accompli je ne sais quelle prouesse. Les jeunes gens, lorsqu'ils n'ont pas de guerre, heureusement d'ailleurs, se dépensent dans toutes sortes d'autres choses, et aussi violemment, aussi loin que possible. Odette Brunschvicg. Je crois que la gloire dont parle Horace, et qui joue en effet un rôle si important, en particulier dans le cinquième acte, cette gloire à laquelle il se réfère, cette gloire que seul il se soucie de défendre, alors qu'il ferait volontiers le sacrifice d'une vie qui désormais tout de même pour lui sera plutôt cruelle, cette gloire c'est, je le crois tout de même, autre chose que du panache. C'est le sentiment de l'honneur, mais de l'honneur tel que le comprend Corneille et tel que le représentent les plus grands héros cornéliens, par exemple Auguste et Polyeucte, après Horace. C'est-à-dire, je pense, précisément cet effort qu'on fait pour se dépasser, cet effort qu'on fait à la fois pour se dominer, être pleinement maître de soi comme de l'univers, et pour aller aussi haut que possible et encore plus haut s'il se peut. Mais Marcel quand, Giraudet. Quand il tue Camille, croyez-vous qu'il soit tellement maître de lui que c'est vraiment le sacrificateur qui tue la victime sur l'autel de la patrie, ou s'il ne subit pas les imprécations et que ce n'est pas un coup de nerf tout d'un coup? Je crois qu'il est le sacrificateur. Mais c'est bien ça. Et c'est ça justement que je condamne en lui. Je pense pourtant que depuis 3 siècles, et en tout cas pour très longtemps encore, on se heurtera toujours à cette fin du 4e acte, à cette mort, à ce meurtre de Camille. Bon, ça pose un problème, et je crois qu'il est logique que l'on ait envie d'expliquer, de justifier ou de condamner cet acte qui reste toujours un grand point d'interrogation dans l'œuvre d'Horace. Oui, et je crois qu'en effet, Horace est une tragédie, n'est-ce pas, qui nous fascine. Elle nous mène au plus haut sommet de la tragédie. Et pourtant, elle nous atteint plus que toutes les autres. Il est certain que on se voit difficilement dans l'âme de Phèdre. Mais Horace nous parle quand même de choses quotidiennes, de situations dans lesquelles nous pouvons être. Et c'est pourquoi nous sommes, en tant que spectateurs, juges et parties. Et c'est justement ce qui nous attire, ce qui nous fascine, ce qui nous attache dans cette tragédie. Bien sûr. C'est parce que nous sommes des êtres humains et que tout de même, vous en venez à ceci, ça j'en suis ravi, c'est que vous reconnaissiez à Corneille le génie d'avoir mis sur scène des êtres humains. La radiodiffusion française vous a présenté, sous le haut patronage de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, le théâtre et l'université, une émission de Philippe de Chartres. C'était aujourd'hui dans un découpage radiophonique, Horace, tragédie de Pierre Corneille, joué par les comédiens français, avec la distribution suivante. Jean Marchat, le vieil Horace, chevalier romain. André Falcon, Curias, gentilhomme d'Albe, amant de Camille. Paul-Émile Débert, Horace, fils du vieil Horace. Raoul Henri, Tulle, roi de Rome. Louis Aymon, Procule, soldat de l'armée de Rome. Paul Gers, Valère, chevalier romain, amoureux de Camille. Michel Beaune, Flavian, soldat de l'armée d'Albe. Denise Noël, Sabine, femme d'Horace et sœur de Curias. Thérèse Marnet, Camille, amante de Curias et sœur d'Horace. Geneviève Martinet, dame romaine, confidente de Sabine et de Camille. Mise en scène de Jean de Bucourt. La tribune libre de théâtre et université réunissait autour de Philippe de Chartres, Odette Brunschwick, inspectrice générale de l'instruction publique, Jean Yonel, sociétaire de la Comédie française, Paul-Louis Mignon, critique dramatique de la radiodiffusion télévision française, Marcel Giraudet. Réalisation, Éléonore Kramer.